J'habite un coin de paradis dans le creux d'un pays que je sais même plus comment qui s'appelle, que si je savais j'aurais des ailes. Dans mon Eldorado on y voit des oiseaux. Disait mon grand-père, ça vole et ça chante, mystère. Et je rêve, souvent, de m'y perdre un instant. Mais mon rêve en grève. Des frissons et même la sueur sur le front. On y trouve même souvent des bouts d'herbe ou bien de champs. Comme disait mon grand-père, on y couche la Solange par terre. Et je rêve. Je rêve souvent de m'y perdre un instant. Mais mon rêve en grève reprend le ver de l'espoir, mon enfant. Ça vous prend le cœur, crois-moi. On respire simplement, on rejette l'air, ça détend. Comme disait mon grand-père, c'est naturel, remplir, extraire. Et je rêve, souvent, de m'y perdre un instant, mais mon rêve en grève reprend. T'as l'air naïf, mon enfant, de l'air, de l'air. Santé, ça va, ça vient. Moi pour l'instant, ça me convient. mes amis ne sont pas morts, ils me réchauffent le cœur encore. Dans mon rêve on y boit une eau douce, fraîche des bois. Comme disait mon grand-père, c'est de la pure, de la rivière. Et je rêve, souvent, de m'y perdre un instant. Mais mon rêve, reprend. C'est de l'eau de rose, mon enfant. De l'eau. De l'eau, de l'eau. Comment? Je ne sais plus vraiment.